serré entre mes bras, je tremble. Mais je veux que tu partes sans plus attendre. 14 ans pour un amour sincère. Notre histoire s'arrête là. Révolution, ta colère se déchaîne. En flot d'amour.